Chapitre 3e. Vers 5 heures, Louise vint se poster aux abords du bâtiment austère dans lequel le père Bernac apprenait à lire, à écrire et à compter à quelques enfants, tenant son panier de grosse toile à deux mains sur son ventre. Le père remarqua tout de suite sa présence et lui fit signe d'entrer dans l'école. Il vint au-devant d'elle, avec un grand sourire, et demanda aux deux garçons de rester dans la cour pour s'amuser. Il précéda Louise dans la classe et lui fit signe de s'asseoir sur un bureau d'élève. Lui-même prit sa chaise sur l'estrade et la plaça à côté de Louise, assez près, pour qu'ils puissent parler tous deux à voix basse. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Louise d'un ton angoissé. « Voilà, » commença le père, embarrassé. « À la récréation du matin, vos deux enfants ont refusé de s'amuser avec leurs camarades. Ils se sont réfugiés dans un coin en se tenant par la main. On aurait dit deux petits oiseaux tombés du nid. Or, cette attitude ne leur ressemble pas. J'essaie de parler avec eux pour obtenir des explications, mais malgré le climat de confiance qui régit nos rapports habituels, ils ont catégoriquement refusé de me dire quoi que ce soit. Bien sûr, je n'ai pas insisté pour ne pas ajouter à leur embarras. » Louise baissa la tête, l'air accablé. Elle garda le silence en se tordant les mains de confusion. « Alors, » continua Bernac, « j'ai pensé que leur attitude avait peut-être un rapport avec ça, » dit-il en montrant l'hématome de Louise sur sa joue. Louise rougit et ses mains se mirent à trembler imperceptiblement. Le père Bernac se racla la gorge pour continuer, de sa voix la plus douce possible. « Une autre fois, j'ai remarqué sur les cuisses de Léon, votre aîné, des zébrures qui proviennent sans doute possible de coups de ceinture. Je ne comprends pas, Madame Fréjol, car vos garçons sont les enfants les plus sages de ma classe. Il faut croire qu'à la maison, ils se défoulent et se conduisent comme des diables. Mais j'ai du mal à le croire. Alors il me reste à penser que ces enfants ne sont pas traités, comment dire, correctement, voilà. » Ayant asséné cet argument, le père marqua une pause et scruta le regard de Louise, attendant instamment une réponse, alors que la pauvre femme était complètement tétanisée, et Bernac regretta ses assertions indirectes. Il voulut adoucir son propos. « Je ne vous demande pas de m'avouer quoi que ce soit. Ce n'est pas un interrogatoire de la police, et encore moins une confession. Vous savez, j'ai suffisamment d'expérience pour comprendre sans me tromper ce qui se passe. Le coup que vous avez sur le visage indique clairement l'auteur probable de ces sévices sur vous et sur les enfants. » Louise hocha doucement la tête pour faire comprendre au père qu'il ne s'était pas trompé. Pourtant, la vérité ne voulait pas passer ses lèvres. Ce n'était pas la crainte qui la retenait, car elle avait une totale confiance dans le père, mais la honte de la situation dans laquelle elle était tombée lui soulevait le cœur. Elle ne pensait pas qu'un jour elle éprouverait autant de déchéance d'elle-même, de sa faiblesse, de son foyer qui n'était plus un havre de paix. Le père, qui était un fin psychologue, sentit ce qui se passait dans le cœur de Louise et voulut l'aider. « Vous n'avez pas à avoir honte, Madame Fréjol. Je me suis renseigné, vous savez. Oh, discrètement, rassurez-vous. Je crois pouvoir affirmer que vous n'y êtes pour rien. Vous pourriez énerver votre mari par une attitude équivoque, mais le mulet, lui, reçoit aussi des coups. Or, quoi de plus innocent qu'une bête du bon Dieu ?» Louis sembla se détendre et accepter de discuter de son état. « Vous n'allez pas me croire, mon père, mais je vous jure qu'il n'est pas méchant, enfin, pas foncièrement méchant. Depuis que nous sommes ici, il est devenu de plus en plus nerveux. Nous avons des dettes, mon père. Nous devons une forte somme à Madame Favre et je ne sais ni quand ni comment nous pourrons la rembourser. » Louise se lâchait enfin. « Quand l'argent ne rentre pas, comment voulez-vous faire ? Vous croyez qu'on peut dormir tranquille quand on ne sait pas de quoi demain sera fait ? Non. » En réalité, Honoré a mal calculé son coût. Il a vu trop grand et la terre qu'il loue ne permet pas de faire du maraîchage. Il faudrait planter des haies pour couper le mistral, établir un réseau de canaux pour irriguer. Vous vous rendez compte que je gagne plus que lui en cultivant mes légumes dans le jardin de notre maison ? Elle prit une respiration, puis continua car désormais elle était lancée. Il fallait que ça sorte. « Alors ça, vous comprenez, il le sait. Il sait qu'il s'est trompé et que ce n'est pas lui qui fait vivre la famille. Et ça, ça le mine. Il s'emporte pour un rien et nous fait payer ses propres erreurs et les coups du sort. » Bernac posa une main protectrice sur celle de Louise. « Je comprends très bien, ma fille, » s'autorisa-t-il à l'appeler. « Mais tout cela ne peut pas durer. Vos enfants ne peuvent continuer à être battus, et vous non plus. D'après certains de ses collègues, votre mari s'entête, il ne veut rien écouter. Il sait qu'il va droit au précipice, mais il avance tout de même. C'est inutile et surtout idiot. Ça ne peut pas durer, » répéta-t-il, cette fois avec véhémence. Tous les deux se turent. Le père Bernac avait laissé sa main sur celle de Louise, et machinalement, elle avait posé son autre main sur celle du père. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mon père ?»« Il faut en parler au commissaire de police. Sans porter plainte, évidemment. Ce serait bien qu'il convoque discrètement votre mari ou qu'il aille lui parler pour le sermonner et lui faire un peu peur. Qui sait, ça le calmera peut-être pour un temps. » Louise s'effaroucha et retira brusquement ses deux mains comme si on la brûlait. « Vous n'y pensez pas. Il saura que ça vient de moi et je recevrai double avoinée. Vous êtes fou, mon père. »« Mais attendez que je termine, Louise. » »« J'irai moi-même, » trouver le commissaire, en lui disant que j'ai remarqué des traces de coups sur vos enfants, ce qui est vrai, et que je m'inquiète pour le bien-être et la sécurité de deux de mes élèves. Je suis tout à fait dans mon rôle. » Louise secoua la tête de droite à gauche, faisant ainsi comprendre que la solution lui paraissait mauvaise. « Et pourquoi n'iriez-vous pas trouver directement mon mari pour lui parler ?» Le père Bernac se leva et se mit à arpenter la classe en se passant la main dans les cheveux. « Je peux le faire, oui, mais j'ai bien peur que votre mari ne crie au scandale, et sachez que si jamais il levait la main sur moi, je crois que c'est moi qui aurai affaire avec la justice. » Un choc fit vibrer la porte de la classe. Les deux enfants étaient derrière les vitres et faisaient des mimiques et des sourires. Le père leur fit signe d'entrer. Michel, le plus jeune, se précipita contre les genoux de sa mère, tandis que Léon se collait sous le nez du père comme quelqu'un qui contemple une montagne de tout en bas. « Maman, qu'est-ce qu'il t'a dit, le père ?» demanda Michel. « Rien, mon chéri. Il m'a dit que vous travailliez très bien, ton frère et toi, et que vous passeriez dans la classe supérieure. Voilà. Et puis nous avons parlé du pays, » mentit-elle. Le père étendit le bras pour signifier que l'entretien était terminé. Il raccompagna Louise et ses enfants. Sur le pas de la porte, il lui glissa. « Pour l'instant, je ne ferai rien. Tenons-nous au courant. Allez, rentrez vite, je prierai pour vous. »